des cassettes, des sons qui font bouger ta tête. C'est pas si belle. Autour de ton cœur, il y a des étoiles, New York, Los Angeles, à la voile. C'est pas si mal. Des nuits comme des guitares qui sonnent, un horaire d'avion sous l'oreiller, comme une envie de tout quitter, de t'en aller. Tes copains de bahut, copains de chahut, ne savent plus te faire rêver. Des jours en vieux 45 tours, mais dans la nuit t'entends un saxophone qui pleure, qui crie, qui parle d'un homme. Et dans la nuit tu t'emmènes en voyage, en disque, en film ou en image. C'est pas si mal, des jours en vieux.